se confond. Absurde et divine, adorable, diseuse bonne aventure, prophète, sorcier, somnambule, adorable. Mon unique trans adorable, adorable. Des anthropophages ont leurs arcanes, courons les chercher. Adorable, adorable. Je veux me reconstituer. Adorable.